Et c'est elle clairon de l'abîme. Une voix, un jour en sortira, qu'on entendra cette fois. En attendant, glacé, mais écoutant, il pense, couvant le châtiment, couvant la récompense. Et toute l'épouvante éparse au ciel et sert de cet impénétrable et morne avertisseur. Je le considérais dans les vapeurs funèbres comme on verrait se taire un coq dans les ténèbres. Pas un murmure autour du clairon souverain. Et la terre sentait le froid de son airain, quoique là, d'aucun monde, on ne vit les frontières. Et l'immobilité de tous les cimetières, et le sommeil de tous les tombeaux, et la paix de tous les morts couchés dans la fosse, étaient faits du silence inouï qu'il avait dans la bouche. Ce lourd silence était, pour l'affreux mort farouche, l'impossibilité de faire un pli au suaire cousu sur son front par l'oubli. Ce silence tenait en suspens l'anathème.